Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission plus originale que d'habitude de Caprice de lecture, parce qu'aujourd'hui nous allons parler jazz à la radio avec un invité qui dénote justement dans le jazz, Alain Delotal. Bonjour Alain. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. C'est un vrai challenge pour moi de parler jazz à la radio. D'habitude, on a tendance à parler plutôt roman. Donc, on va parler de votre livre qui s'appelle Swing à zéro cours, 15 ans de jazz en Lorraine, qui est édité aux éditions Paroles de Lorrain. Alors, quand on feuillette le livre, Alain, on apprend que l'aventure a commencé dans un grenier. C'est un début plutôt insolite, donc pour ce livre qui est très haut en couleur et pour le festival qui va naître justement dans ce grenier. Aviez-vous imaginé une suite aussi prestigieuse quand ça a commencé dans le grenier ? Ben non, pour une raison simple, c'est que moi j'habitais Xirocourt depuis quelques années. Je ne connaissais pas ce passé. Alors, en un mot, hein, de 68 à 72, un type qui s'appelait Xavier Brocker, qui était journaliste à l'Est républicain, mais qui était un des 10 meilleurs connaisseurs du jazz en France, ils avaient loué avec des copains une grande maison à Xirocourt, et ils organisaient des concerts sauvages. Et comme ils connaissaient tous les passages de musiciens dans la région, alors il les conviait à venir pour le whisky et le gîte et le couvert. Alors ça a duré de 68 à 72, ça a pris énormément d'ampleur, et en 72 ils se sont dit on peut plus continuer, ça posait des tas de problèmes, on va faire autre chose, et donc ils ont eu l'idée de créer un festival à Nancy, dont ils ont trouvé le nom d'ailleurs Axirocourt, ça a été Nancy Jazz Pulsation. Ouais. Donc on est en 73, puisque ça va faire les 50 ans cette année. Et donc moi je suis arrivé bien après, et je cherchais une démarche de développement local au travers de la culture. Je suis tombé sur le bouquin de Xavier Brocker, édité en 91, qui s'appelle Le roman vrai du jazz en Lorraine. Okay. Et puis je l'ai contacté par Minitel. Alors le Minitel, ceux qui veulent savoir ce que c'est, j'ai un renvoi en fin de page ou en bas de page pour expliquer ce que c'est que le Minitel. Et donc, je l'ai rencontré, je lui ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un festival sur les lieux mêmes où était né le concept NJP nombreuses années avant. Alors justement, vous parlez de Xirocourt, donc ça, ce sera l'objet de ma deuxième question. L'aventure démarre dans ce village, 350 habitants, oui. Une poignée de copains qui a envie, oui. Très envie, oui. Voilà, c'est de la passion. Oui, alors... Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que ce n'est pas forcément de la passion pour le jazz. On était une poignée à avoir envie de faire du jazz. Toute l'équipe que j'ai rassemblée, vous savez, il y a des gens qui étaient passionnés par la cuisine, d'autres qui avaient envie de donner un coup de main, ils auraient donné un coup de main à n'importe quoi pourvu que je les coopte, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais c'est justement en ça, parce que je me dis, c'est des gens qui ont envie. Alors effectivement, vous avez raison de le préciser, Alain, pas que du jazz, ils ont envie de faire quelque chose de positif, oui. En fonction de leur talent. Oui, moi je ne crois pas aux gens qui vous disent « oui, il n'y a plus de bénévolat, c'est plus comme avant, etc. » J'y crois pas, parce que le bénévolat ne fonctionne que quand vous avez un élément fédérateur, oui. Qui crée un fil conducteur entre des gens qui sont tous différents, qui ont des motivations différentes, et donc quand on sait comment créer cette émulation de groupe, on arrive à monter aujourd'hui, comme il y a 30 ans ou n'importe quand, on arrive à monter des choses extraordinaires. Il suffit d'ailleurs de voir les choses humanitaires qui se montent quand il y a un drame ou quand il y a une catastrophe. Et puis on l'a vu aussi pendant le confinement, les gens sont capables de s'entraider bénévolement. Bien sûr. Alors, quel est votre meilleur souvenir justement de ces débuts, c'est-à-dire tous ces gens qui ont envie d'aider? Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter, une émotion? Ça aurait pu être aussi un coup de gueule, hein, justement, à ces débuts, puisque ça peut être aussi un souvenir, un moment qui marque. J'ai, J'ai des quantités de... C'est pour ça que je vous demande un seul. Alors peut-être le souvenir. Là, déjà, ce qui a été, il y a eu un élément déclencheur. C'était une idée extraordinaire qu'a eu une de nos copines, qui s'appelait Monique Gobillot-Roussel, qui était par ailleurs militante à Nancy, bien connue dans à Saint-Max. Mm-hmm. Et elle était insomniaque. Elle avait vu, on cherchait, on était en réunion, on se dit, bon, on va monter un festival dans un patelin de 300 habitants, on n'a pas un rond, on n'avait pas d'argent, ou très peu, et il faudrait trouver un parrain, quelqu'un qui nous amène une notoriété. Elle avait vu une émission, je sais pas, une heure du matin, à la télé, où c'était Clint Eastwood, ouais, qui était venu des États-Unis pour rencontrer Chan Parker, la veuve de Charlie Parker. Okay. Et Chan était terminé sa vie dans la région parisienne, et Eastwood préparait le film sur Charlie Parker, The Bird. Ok. Et il était venu rencontrer Chan Parker parce qu'elle disposait d'archives sonores, etc., et qu'elle a mis d'ailleurs à sa disposition pour le film. Et donc, il y avait eu une émission là-dessus à la télé. Et Monique nous dit, si on demandait à Chan Parker, ah ben c'est une bonne idée, mais comment on fait ? Alors, elle a trouvé, évidemment, toujours le Minitel. C'est ce que j'allais vous dire, toujours trouver, le Minitel avec les traits. Elle a réussi à trouver Chan Parker sur le Minitel. Et puis elle nous dit, bon, faut que j'aille la voir, parce que c'est une vieille dame américaine, ça va pas être simple, faut que je la rencontre en direct. Donc on l'a convaincue de lui payer le billet, elle est partie, elle a pris contact avec elle par téléphone, ils ont pris rendez-vous. Et donc Chan habitait Champmoteux, un petit patelin, mais au diable Vauvert, dans la plaine du Gâtinais, du côté d'Étampes, là où il y a de la céréale, de la céréale. Ah oui, d'accord, de la céréale. Ok. Et donc, elle l'a rencontré, et Chan Parker lui a dit « Right, je veux bien venir dans ton patelin, mais je te préviens, j'ai pas un rond. » Ah bah, on est deux. Extraordinaire. Et quand elle est arrivée, donc, on a des souvenirs. Je me souviens de cette petite bonne femme toute rabougrie qui faisait beaucoup plus que son âge parce qu'elle avait eu une vie un petit peu chaotique. Elle avait bien vécu. Et voilà, donc, on lui a fait goûter la Mirabelle. Elle était totalement enthousiaste. Alors, par la suite, on est devenus copains. Au mur de son salon, il y avait des dessins autographes de Jean Cocteau. Il y avait une lettre de John Kennedy, ah, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est des souvenirs quand on rencontre des gens comme ça. Et elle avait elle-même des souvenirs extraordinaires. Notamment, elle ne voulait plus retourner aux États-Unis parce qu'elle avait souffert du racisme, etc. Ouais. Ok, c'est un beau souvenir. Alors, on va faire une coupure musicale. Ce sera la première. Alors, avec un titre qui s'appelle Harlem Nocturne, interprété par Manda Jean. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, enfin, à nous ici en studio et aux auditeurs, ce choix ? Oui, bien sûr. Manda, qui est très présente dans mon bouquin, dans les textes et en photo, ça a été la première tête d'affiche du festival en 1994, et ça a été la dernière, 2008-2009, qui est venue dans les tout derniers concerts qu'on a organisés. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire, grande chanteuse de jazz, de blues, de gospel, okay, avec un grand talent, une grande rigueur, d'une grande exigence, mais c'était aussi quelqu'un qui avait un grand cœur. On avait beaucoup de projets ensemble, j'ai eu la chance de l'accompagner, notamment dans ce morceau qui a été enregistré à Nancy, à la Péniche des Arts Niagara, de mon copain Francis Nicolas, et malheureusement, elle a été emportée par le cancer, mais elle nous suit sur un nuage. Alors, on l'écoute tout de suite. Though with the dawn it's gone, the melody lives ever, for lonesome hearts to learn of love in a Harlem nocturne. The melody clings around my heartstrings. It won't let me go when I'm lonely. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours avec Alain Delotal, qui a bien voulu rester avec nous. Alain, troisième question. Quand on feuillette le livre, on feuillette aussi donc le temps qui passe, les organisations, et on découvre des sourires, des artistes, des volontés. On découvre des talents, peut-être des talents qui se sont révélés hein, pendant toute cette période, des personnes autour de vous. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez pu... Ça vous évoque quoi, vous, de savoir que vous avez pu fédérer autant de gens sur un tel projet ? Je m'en suis rendu compte en écrivant le bouquin. C'est Daniel Zitella que vous avez reçu il y a quelque temps qui m'a persuadé pendant des mois en me disant « il faut que tu écrives l'histoire de... » Puis ça n'intéressera personne. Et quand finalement je me suis laissé convaincre, je me suis rendu compte. Et maintenant quand je relis, parce que je le relis, je le regarde de temps en temps, je me rends compte du nombre de personnes et de la somme d'énergie extraordinaire que ça a mobilisé. Vous n'en aviez pas conscience avant compiler tout ça ? Non, je pense que les types qui sont en train de se battre en Ukraine, ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de se battre. Ils le savent. Mais après, plus tard, quand ils vont se retourner, quand tout sera passé, ils vont se rendre compte de choses qui dépassent l'humain. Hein, qui dépasse ce qu'on pense être capable de pouvoir faire. Alors, d'abord, c'était un festival de copains. Oui, l'origine, c'était Nous, on voulait rassembler, on voulait bien sûr faire du jazz, faire venir des musiciens. On voulait aussi promouvoir les musiciens régionaux, puisque dans l'index, il y a 800 noms dans l'index. Il doit y avoir 400 ou 450 musiciens. Il y a des grosses pointures, mais il y a aussi beaucoup de musiciens régionaux. Ici, ne serait-ce qu'à Nancy, tout autour de la MAI, par exemple, il y a des musiciens extraordinaires. Et donc, on voulait que tous ces gens puissent se rencontrer, faire de la musique. Mais au sortir des concerts, pouvoir se voir, prendre un pot. Moi, j'ai des photos. Dans le bouquin, il y a une photo de Marcella Zola, c'est pas n'importe qui est en train de prendre une bière. Et puis les gens pouvaient aller le voir. C'était comme ça. On n'avait pas de service d'ordre il n'y avait pas de barrière comme dans certains festivals où on ne peut pas rencontrer les artistes. Et en plus, ça, c'est la négation du jazz. Et du coup, vous avez créé du lien entre artistes. C'est-à-dire entre, par exemple, vous parlez de pointures ou de personnes peut-être plus modestes en termes de, on va dire, de connaissances, mais de connaissances du public. Est-ce que vous avez créé du lien comme ça ? Est-ce qu'il y en a qui sont restés en lien ? Est-ce que vous êtes toujours en lien, peut-être, avec des personnes qui ont été bénévoles et qui ne le sont plus aujourd'hui pour différentes raisons ? La réponse est oui. La réponse est oui. On a créé des liens très forts avec certaines personnes. Mm-hmm. Je repense, on parlait tout à l'heure de Chan Parker. Oui. Bon, Chan présentait sa meilleure amie, qui s'appelle Füsun Leve, qui est une Turque mariée à un Français, productrice de jazz en Turquie. Oui. Chan est décédé en 99. Moi, je suis resté très, très ami avec Füsun. Je vais régulièrement en Turquie avec ma compagne, etc. Bon, on a noué des liens. Alors, il y a aussi des liens qui se sont noués entre les artistes. Effectivement, les artistes de notoriété et ceux qui le sont moins. Parce qu'on avait la grande tradition du bœuf. On termine un festival, on fait le bœuf. C'est-à-dire les musiciens qui restent là. Alors, moi, je me souviens de Raoul de Souza, immense tromboniste, hein, un des 10 meilleurs du monde, un des 3-4 meilleurs du Brésil. Qui a fait le bœuf avec les musiciens qui se trouvaient là, qui étaient des musiciens de Nancy, de la région. Il y a un témoignage très émouvant d'un musicien qui est venu d'un petit groupe amateur de Metz qu'on avait programmé et qui dit voilà, pour nous c'était une occasion extraordinaire de rencontrer des artistes qui sont internationaux. Et puis, j'ai gardé des amitiés avec Danny Doris, vibraphoniste, qui est le patron du caveau de la Huchette à Paris. Cette affaire a dépassé de beaucoup le festival en lui-même. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas de bénévoles avec lesquels je suis resté en contact. Mais l'écriture du livre a été aussi triste parce que, au fur et à mesure que j'ai fait les recherches pour retrouver les traces de tous ces gens, ne serait-ce que pour l'index. Oui. Hein, je rappelle 800 noms. Hein. Oui, c'est énorme. J'ai découvert qu'il y en avait beaucoup qui étaient partis. Oui. C'est quand vous en parlez, on revit en fait, et vous aussi, on a l'impression que vous le revivez. C'est, moi, quand vous en parlez, je vois un film qui se déroule. C'est chouette, vous avez gardé quelque chose de très vivant en fait. Ça me fait plaisir, parce que quand on parle de jazz, souvent les gens ont l'impression d'un truc élitiste. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de musiciens de jazz qui jouent en tournant le dos au public, en étant persuadés que leur talent suffit pour séduire le public, ce qui est faux. Et moi, j'ai voulu faire quelque chose qui, évidemment, pour les gens qui aiment le jazz, c'est un bouquin de référence. Oui. Mais pour les autres, j'ai voulu que ce soit une espèce de roman. Vous vulgarisez quelque chose. Alors vulgariser, c'est pas au sens péjoratif, c'est-à-dire que vous permettez d'accéder à des personnes, comme moi par exemple, qui n'y connaît rien, à un nouveau monde, mais pas que à travers des noms de grands artistes avec des autographes ou des choses comme ça. Parce que vous partez d'une humilité telle, on n'était pas beaucoup, on était un village de 350 habitants, on s'est dit on fait un truc. Et on sent à travers les pages, et c'est ce que je disais, qu'il y a une émulation qui se crée, et cette émulation elle est telle qu'elle dépasse les frontières françaises, elle dépasse les frontières de la région et les frontières françaises. Vous gardez en vous une vivacité et une... Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous le vivez quand vous le racontez. Et c'est absolument fabuleux. Parce que pour des gens comme moi qui n'y connaissent rien, ou nos auditeurs, on le vit. On se dit, ah ouais, mais le jazz, en fait, c'est ça, c'est tel nom, c'est ça. Moi, quand j'ai préparé l'interview, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je ne m'en suis jamais cachée. C'est pas mon truc de parler musique, en plus, à la radio. Alors, vous permettez ça. Vous permettez aux auditeurs de connaître c'était quoi aussi, le festival de jazz. Et puis, vous nous faites découvrir aussi des morceaux que vous avez choisis pour l'émission. Et puis, vous nous expliquez le pourquoi, comment. Et on se dit, mais en fait, tout part de « on a envie de faire un truc ». Et ça donne de l'espoir, que ce soit pour un festival de musique ou créer autre chose. Et on est vraiment dans l'esprit du jazz. Que le jazz, c'est une musique d'expression. Ouais. Hein, c'est la musique des Noirs qui exprimait leur joie, leur peine, avec le blues plutôt, la peine, etc. Donc, ce n'était pas une musique d'élite. Ce n'était pas une musique de concert et de barrières. C'était au contraire une musique profondément humaine. Et cette aventure, c'est une aventure humaine. Parce que dans mon bouquin, il y a aussi des textes. Et j'ai voulu que les textes soient aussi des textes entre le roman d'aventure et la poésie et le romantisme. Ouais. Alors, 2022, clap de fin de cette formidable aventure pour des raisons indépendantes de votre volonté. 2008. Comment ? 2008. Pardon, excusez-moi, 2008. C'est moi, j'ai fait une erreur. Une nouvelle page de jazz est-elle en train de s'écrire ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez d'autres projets de festival ? Est-ce que c'est un chapitre que vous avez définitivement clos ? Est-ce que il y a encore quelque chose qui est encore en train de se mûrir ? Vous ne vous êtes pas trompé en disant 2022, parce que vous pensiez à ce projet de festival que nous avions l'année dernière. Je suis dévoilée. Voilà. On a eu effectivement, moi j'ai été poussé par un certain nombre de gens qui m'ont dit « Ah bon, pour la sortie du bouquin, il faut faire un concert. » Bah oui, on va faire un concert. Bah oui, mais ce serait bien de faire revenir éventuellement. On a encore une grosse pointure qui était là, qui était tête d'affiche, c'est Dorado Schmidt, l'immense violoniste et guitariste. Et puis de fil en aiguille, l'année dernière, on s'est dit, enfin il y a un peu plus d'un an, on s'est dit finalement, en 2022, sortie du bouquin, on va refaire un festival. Donc on a tout remis en place, effectivement, les dates étaient arrêtées, les subventions étaient accordées, on n'attendait plus que les papiers, mais c'était fait, les artistes, le programme était fait, et puis j'ai annulé le festival au lendemain du premier tour des élections. Oui. Compte tenu du résultat sur la commune de Xirocourt, je n'avais pas le cœur à organiser un festival pour des gens qui votent à plus de 50% pour l'extrême droite. Et ce n'était pas le reflet de ce que vous vouliez transmettre. C'était pas possible pour vous de toute façon, ce choix. Non, c'était pas possible. J'ai d'ailleurs dit très clairement, je l'ai dit. Alors j'ai reçu des milliers de messages, y compris des menaces de mort, etc. Ouais. Bon, je suis totalement insensible à ça. J'ai reçu aussi beaucoup de messages de soutien. Bon, ça n'engageait, c'était mon opinion à moi. Et j'avais d'ailleurs dit que si quelqu'un voulait reprendre, j'irai pas voir quelles sont ses idées. Je lui refilerai les dossiers, mais personne ne s'est présenté. Ok, c'est dommage, mais bon. Mais c'est toujours, vous savez, c'est toujours valable. Hein. Moi, si quelqu'un un jour vient me voir en disant, voilà, si un groupe de jeunes, par exemple, enfin, je dis des jeunes parce que moi, j'ai un peu passé l'âge maintenant de ces aventures-là, mais si des jeunes viennent en disant, on a envie de reprendre ou de refaire quelque chose, moi, très volontiers, je leur ferai le bénéficier de... Et de votre expérience et puis de votre histoire. Je ne suis pas sûr que les jeunes... bénéficie de l'expérience des anciens. Si c'était vrai, l'homme serait parfait. Bon. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale. Vous allez m'aider, Alain, je ne sais plus laquelle vous avez choisi. J'ai choisi Qui me dira, qui est la merveilleuse chanson chantée par Nicole Croisy du non moins merveilleux film Itinéraire d'un enfant gâté avec... Belmondo. Moi, j'ai toujours rêvé d'assister à mes obsèques ou de voir ce qui se passera quand je ne serai plus là. Alors, Belmondo l'a fait dans ce film. Et cette chanson, avec cette femme qui la chante, bien sûr, c'est Nicole Croisy qui chante, ce n'est pas l'actrice, mais sur un fauteuil roulant, cette femme qui a été une grande trapéziste et qui s'est brisée les jambes et qui est sur un fauteuil roulant, cette chanson me fait pleurer. Moi. Ok, alors on l'écoute tout de suite. Viendra encore me faire le cirque des amours nostalgiques dans la poussière. Qui viendra encore me faire, j'ai peur, le couteau dans le cœur, dans la lumière. Qui viendra traiter en tigresse, le fouet comme une caresse sur la musique. Qui viendra me faire jongler parmi les ballons pathétiques? Des fois, je panique. Qui me dira si bien du mal? Qui me tiendra quand tu iras décrocher toutes les étoiles? Qui me voudra avec le nez? Avec le nez rouge et le cœur en larmes.

cette émission s'achève, une émission consacrée à la musique et plus particulièrement le jazz, où j'ai eu la chance et le grand plaisir de recevoir Alain Delotal pour son livre Swing à Xirocourt, 15 ans de jazz en Lorraine, édité aux éditions Parole de Lorrain. Alain, merci de nous avoir consacré ce temps pour faire découvrir cette musique qu'est le jazz. Eh bien, merci Sarah. Il y avait un petit moment que je n'étais pas venu à Fadjet. Eh ben voilà. Il y a très longtemps, à l'époque du Festival de Jazz. Parce que je voudrais quand même rappeler que Fadjet a été partenaire du Festival de Jazz. Eh bien, écoutez, c'est un grand plaisir. Et puis, vous revenez quand vous voulez nous parler de jazz. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Alain et à bientôt. Au revoir. Au revoir.